ma galère. Donc je me fais aligner. Je suis parti de rien. Je remercie ma mère. Sans elle, je serais pas là. Ouais, je serais dans la mer. Je suis parti de rien. Je remercie ma mère. Sans elle, je serais pas là. Ouais, je serais dans la mer. Sur ta daronne, regarde.